Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 12. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimouns. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Corrige l'exercice du vers 11. Ajib ala as-silati al-atiya. Bi ayy jami'atin yadrusu Abdullah? Dans quelle université Abdullah étudie-t-il? Yadrusu bi jami'ati Riyad. ثانيا في اي كليه يدرس هو في كل سيكسيون يتديجيل lui يدرس في كليه الهندسه ثالثا في اي كليه يدرس عيسى في كل فاكولتي يتدي عيسى عيسى يدرس في كليه طب رابعا في اي كليه يدرس ابراهيم Dans quelle section étudie Ibrahim? Ibrahim yadrusu fi kulliyatin tijarati. Khamisan, fi ayi kulliyati yadrusu Ishaq? Ishaq yadrusu fi kulliyatin al-adab. Fi ayi kulliyati yadrusu Ismail? Dans quelle section étudie Ismail? Ismail yadrusu fi kulliyatin al-ulum. Kulliyati al-ulum. Kulliyati al-ulum. Sabi'an. أين تدرس أخوات عبد الله؟ هو يدرس الأسر من عبد الله. يدرسنا في المدرسة المتوسطة. نعم هذا يدرس. وكوليج. ثامنا أين يسكن عبد الله؟ هو بيت عبد الله. يسكن مع قريب له. نعم إلى بيت أكنت قش. وأين يسكن إخوته؟ هو بيت سفيه. إخوته. يسكنون في الجامعة إذن أين يسكنون؟ يسكنون في مهجع جامعتي. مهاجع جامعتي. نعم دكتور. طيب ثانيا صحيح ما يلي كوريش كيسوي اولا لا يعرف عبد الله المهندس سلمان عبد الله ne connaît pas l'ingénieur سلمان يعرف عبد الله المهندس سلمان مهندس سلمان ثانيا عبد الله متزوج عبد الله معي عبد الله ليس بمتزوج نعم ثالثا يدرس عبد الله في السنة الأولى. عبد الله يدرس في السنة الثانية. يدرس عبد الله في السنة الثانية. نعم. دوم يعني. نزل عبد الله من حافلة قبل نزول فيصل. عبد الله descendu du bus avant la descente de Faisal. نزل فيصل قبل نزول عبد الله. نزول عبد الله. عبد الله. ثالثا أجيب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الحادي عشر. أولا أين تدرس أنت؟ أنا أدرس في الدار. درو. أدرس أنا أدرس في دار الحديث. نعم. وتدي دار الحديث. ثانيا أين تسكن؟ وبتدي. أنا أسكن في الوادي. نعم. جابت الوادي. ثالثا أنت تعرف اللغة الفرنسية؟ كنت تعرف اللغة الفرنسية؟ نعم أعرفها جيدا. نعم je la connais très bien. رابعا من اي اذاعه تسمع الاخبار دو كيل راديو ايكوتو لي انفورماسيون اسمع الاخبار في اذاعه صنعاء ايكوتو لي انفورماسيون دوبوي لا راديو دو صنعاء اتعرف بيت المدرس كونيتو لا ميزون دو بروفيسور نعم اعرفه نعم وي جو لو كوني تمام يا اوت شوز خامس نعم. أكمل الجملة الآتية بوضع فعل مضارع مناسب. Donc complète les phrases suivantes en mettant un fil au présent qui correspond. جملة الأولى.

Dans le halal, bien sûr. Thalithan. Anif al-fa'ila fi kulli min jumal atiya. Donc il dit, rend féminin le sujet dans les phrases qui suivent. Mathalan, jumal oula, yakul, aina tadhhabuna ya ikhwan. Où allez-vous, allez-vous, ô mes frères? Donc là, tadhhabun, c'est mukhatab jam muzakkar. C'est l'interlocuteur au pluriel masculin. Donc on met un ta au début, et ensuite on met waw jama'a et nun. Tadhhabuna, tafhaluna, taktubuna, ay antum. Donc maintenant on veut quoi? Antunna. Donc comment on va dire? On va dire aina tadhhabna ya akhawat. Où allez-vous, ô les sœurs? Donc comme c'est un mukhatab, toujours on met un ta au début, et à la fin, nun l'histoire. Fakat. Un ta au début, comme pour anta, ou comme pour anti, comme pour antum. Sauf qu'après, on met le domir à la fin, c'est nous l'histoire. Donc tu dis, tazhabna, taktubna, tajlisna, takra'na, et ainsi de suite. Mafoumada? Taïeb. Jumla thaniya. Aina taskununa ya rijalu. Où habitez-vous, ô les hommes? Aina taskununa ya nisa. Naam. Thalithan. Al-kahwata. Afwan. Al-kahwata tashrabuna. Am ashay ya ikhwan. Est-ce le café que vous buvez ou le thé, ô mes frères? Al qahwata tashrabna am ashay ya akhawat. Naam. Ta'lifuna rakm hatif al jami'ati ya ikhwan. Connaissez-vous le numéro de téléphone de l'université, ô les frères? Ta'rifna rakm hatif al jami'ati ya akhawat. Naam. Donc comme tu as vu là, hatif. Hatif, c'est téléphone. Taïeb, hatif, c'est un téléphone. Et rokm, c'est le numéro. Rokm, c'est le numéro. Khamisan, lima tadhakuna ya awled. Pourquoi rigolez-vous, ô les enfants? Donc, dahika ya tadhaku, c'est rigoler. Taïeb, c'est rigoler. Lima tadhakuna ya awled. Naam. سادسا تقرؤون اي تقرؤون القران كل الصباح يا اخوان lisez-vous le coran tous les matins ou les frères تقرؤنا القران كل صباح يا اخوات نعم سابعا اتسالون المدرسه اسئله كثيره يا اولاد posez-vous de nombreuses questions au professeur ou les enfants اتسالنا المدرسة أسئلة كثيرة يا أولاد. نعم. ما يدي بنات كيف بقى الجون يعرف بس يعني كم سنة بيجي يجي أولاد pour les garçons. Bien que l'origine comme je te dis أولاد c'est pour les deux à la base. ثامنا أتسمعون الأخبار من الإذاعة كل يوم. Écoutez-vous les informations de la radio tous les jours؟ أتسمعنا الأخبار من الإذاعة كل يوم. تاسعا مع من تلعبون يا أبنائي؟ Avec vous, avec qui jouez-vous, ô mes fils؟ مع من تلعبنا يا بناتي؟ نعم. عاشرا لما تجلسون هنا يا رجال؟ Pourquoi vous asseyez-vous ici, ô les hommes؟ لما تجلسنا هنا يا نساء؟ نعم. طبعا مدام مفهوم. فأنتم مثلا إذا سي أنتم تذهبون يا بك أنتنا سي أنتنا تذهبنا. مخاطب بالجمع مذكر ومؤنث. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être un mutakallim et jam. Nous n'avons que mutakallim et mufraj c'est ana. طيب ana adhabu, ana aktubu. Et maintenant ça va être quoi? Avec nahnu. طيب nahnu. Donc il dit hawil al mubtada fi kulli min jumal atiyati ila jam. Donc transforme le mutala dans toutes ces phrases en pluriel. Ce qui fait qu'ils vont découler des suites dans la phrase. D'autres choses vont changer. Mathalan, il dit Ana afhamu adersa jayidan. Moi, je comprends très bien le cours. Donc, comme on avait dit, le verbe, le fi'l mudari', tayyib, ma damir, ana, yabda bi hamza. Ana af'al, ana aktub, ana azhab, hamza. Maintenant, avec nahnu, il commence par un nun, tout simplement. مثلا دي نحن نفهم Ad-dersa jayidan. Donc nous comprenons très bien le cours. Juste au début. Et là, le fa'il, c'est un damir moustadir, et c'est nahnu. Damir moustadir, c'est nahnu. Nahnu, nafhamu, ad-dersa jayidan. Taïb. Thanian, ana, la adhabu, il est souk, kulla yomin. Moi, je ne vais pas au marché tous les jours. Nahnu, la nadhabu, il est souk, kulla yomin. Non. Thalithan, ana, ashkuruka, ya oustaz. Dis-moi, je te remercie, ô professeur. Nahnu, nashkuruka, ya oustaz. Non. Rabi'an, ana, ajlisu, amam, al mudarris. Moi, je m'assois devant le professeur. Nahnu, najlisu. أمام المدرس. نعم. خامسا أنا الآن أكتب برقية. Donc moi j'écris actuellement un télégramme. نحن الآن نكتب برقية. طيب. نعم. هذا. Donc ça c'est مفهوم. Donc en fait, si on récapitule le verbe المدرس avec les ضمائر مع ذهب on va dire أنا أذهب. طيب أنت تذهب. أنت تذهبين. أنتم تذهبون. أنتن تذهبن. Ensuite tu dis هو يذهب. ضمير مستتر كذلك. هي تذهب. هم يذهبون وهن يذهبن. Et il en manque encore deux, de Damir, qui n'ont pas encore été étudiés. C'est le Moussanna. Pour dire deux. Taïeb. Dans Taqil al-Khamis, cinquième, il dit Amam, kule jumlatin siraten lilfial. Irtor siraten sahihata wa kmil biha jumla. Donc il dit devant chaque phrase, tu as deux exemples, taïeb, de propositions de verbes. Toi, je vais choisir celui qui est correct pour compléter les phrases. Donc t'as ou un muzakkar, ou t'as ou un mouannath, ou t'as ou un pluriel, ou un mufrad, ainsi de suite. Donc hada al-khamis, wa sayakun fil bayt. Le sept, inshallah. طيب سادسا تأمل الأمثلة الآتية ميديت سوكيسوي سأعمل معك ولا avec إنا وأنا il donne des exemples quand utiliser إنا quand utiliser أنا et quand des fois on pense qu'on doit utiliser l'un des deux alors ce n'est pas le cas on avait dit quoi nous que إنا il vient quand non mais أنا il vient en cours de phrase ça c'est l'origine طيب premier exemple il dit Samirtu annaha ahsanu tabibatin fi mustashfa. Ça c'était une phrase qui était dans le texte. Il dit j'ai entendu qu'elle était le meilleur de médecin femme dans l'hôpital. Donc là on regarde Samirtu annaha. On a mis anna pourquoi parce qu'il vient en cours de phrase, il est pas au début. Ça y est, il est traduit par que. J'ai entendu que ou qu'elle était, ça y est, qu'elle était. Deuxième exemple, yaquluna innaha Arsenou Tabibatin du Moustachfa. Ils disent qu'elle est le meilleur docteur femme dans l'hôpital. Donc attention, après le verbe Kala Yakoulou, qui veut dire, même si il vient en cours de phrase, tu dis Inna. Après, Kala, tu dis Inna. Tu dis pas Yakoulou Anna Kada Kada Kada. Tu dis Yakouloun Inna Kada Kada Kada. Parce que là, tu rapportes une parole. Allez, tu rapportes une parole. Donc là, après le verbe qala yakulu, tu mets inna avec la kasra. Troisième exemple, inna al-Qur'ana kitabullah. Très certainement, le Qur'an c'est le livre d'Allah. Donc là, comme c'est le nom de début de phrase, on dit quoi? Inna. Avec une kasra. Qur'an c'est ism inna, mansoub. Et kitab, c'est khabar inna, marfour, et les moudof, ou l'offre jalala, Allah, moudof ilayhi. Donc là, il te le redit. Fi awal jumla, inna. En début de phrase, on dit inna. بعد قال après le verbe قال يقولو qui veut dire tu dis inna parima avec une kasra بعد الأفعال الأخرى et après les autres verbes tu dis anna voyez après les autres verbes hormis قال tu dis anna comme là il a dit l'exemple avec سمعت. Il dit اقرأ الجمل الآتية مع ضبط حمزة إن أو أن. Donc là tu vas lire les phrases qui arrivent et tu vas faire attention, tu vas mettre le hamza ou avec une kasra ou avec une fatha en fonction de ce qu'il y a besoin. تفضل. الجمل الأولى. أظن أنه الطالب جديد. إنه طالب جديد. عيد. أظن أنه طالب جديد. نعم. Je pense qu'il est un nouvel étudiant. ثانيا. قال المدرس أن الطالب الجديد مجتهد جدا. لا. C'est quoi le verbe là? قال المدرس إن الطالب الجديد مجتهد جدا. نعم. Le professeur a dit que le nouvel étudiant est très studieux. ثالثا. سمعت أن المدرس ما جاء اليوم. أخطأت. أن المدرس نعم. ما جاء اليوم. J'ai entendu que le professeur n'est pas venu aujourd'hui. رابعا. إن الله ربي. نعم. C'est Allah est mon Seigneur. خامسا. قال زميلي إن المدرس ما جاء اليوم. لا. ما هو الفعل؟ ما هو الفعل؟ في كل فعل؟ قال؟ نعم. دونك؟ جميع إنا. تدي إنا؟ لطن جميع إنا. طيب. إن شاء الله. دونك يدي إلى دي ك مون كامارادا دي ك لو بروفيسور ني با فينو أجوردي. طيب. سادسا. أشهد أن محمد رسول الله. نعم جتسك محمد إيه المسجد الله. سابعا. قرأت في الصحفية في صحيفة في الصحيفة في الصحيفة أن وزير الخارجية سيرجع من لندن غدا. نعم. J'ai lu dans le journal que le ministère de l'Intérieur va revenir de Londres demain. Donc, Wazir Khalidiya, c'est extérieur à fond. Je dis intérieur ? Non, c'est extérieur. Non. C'est le ministre de l'Extérieur. Non. Saminan. Donc, j'ai plutôt le ministre des Affaires étrangères. Ouais, non. Ça se dit pas, ministre des Affaires intérieures ? Taïeb. On dit l'intérieur, non. Adonnu annaka min al-Pakistan. Je pense que tu es du Pakistan. قال لي طبيب إنك لست بمريض. نعم. Le médecin m'a dit, certes tu n'es pas malade. أظن أن الطبيبات. Comment tu dis? C'est quoi les حركات? أن الطبيبات. C'est quoi les حركات? طبيباتا. أن الطبيباتي. أيوة. كثرة. منصوب. أن الطبيباتي. أن الطبيبات التي خرجنا من المستشفى الآن من الولايات المتحدة. نعم. Je pense que les étudiantes qui viennent de sortir de l'hôpital maintenant sont des États-Unis. C'est pas les étudiantes, c'est les médecins. طبيب أيوة médecin طبيب طبيبات. حادي عشر. أتعرفين أن طالب أن الطالب الجديد التي جاءت قبل ثلاثة أيام تعرف خمس لغات. Donc là il dit en parlant à une femme, est-ce que tu sais que la nouvelle étudiante qui est arrivée il y a trois jours connaît cinq langues? إن الدرس سهل سهلة. Certes, le cours est facile. يقولون